Superfail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Le 8 janvier dernier, l'armée iranienne abattait par erreur un Boeing ukrainien tuant 176 personnes. L'université Sharif de Téhéran. Ici, pas question de relâcher la pression. À l'origine de cette fronde, les aveux samedi dernier des autorités iraniennes, le Boeing 737 reliant Téhéran à Kiev a été abattu par erreur. Soyez-en sûrs, nous n'avons pas caché la vérité au sujet de l'accident. Le président iranien l'a appris vendredi après-midi. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Le reste n'est que déclaration. Ce jour-là, 176 personnes avaient pris place à bord de l'appareil. 82 Iraniens, 57 Canadiens, 11 Ukrainiens et 10 Suédois. Personne n'a survécu. Le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est adressé aux familles de victimes. Je tiens à dire à toutes les familles et à tous les Canadiens que nous continuerons jusqu'à ce que nous obtenions des réponses et que justice soit rendue. Justin Trudeau appelle le président Rouhani à faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. Une équipe d'experts a d'ailleurs été dépêchée en Iran. Ils doivent prendre part à l'enquête en cours. Superfail. Bonjour Pierre Servant. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de défense. Comment expliquer que l'armée iranienne ait abattu un avion civil ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est pas la première fois que ce type d'accident tragique arrive. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé en 2014. Ce n'est pas si loin dans le ciel de l'Ukraine où un avion de la Malaysian Airlines avait été abattu par les sécessionnistes du Donbass. Donc là, c'est un nouveau cas de figure. Et en général, il y a un peu les mêmes facteurs qui se mêlent pour arriver à cette terrible confusion. Un climat de tension maximale, donc c'était le cas en Ukraine où déjà des avions de guerre ukrainiens avaient été abattus par les systèmes de défense des sécessionnistes. Là, ce sont des tensions liées au fait que donc les Américains ayant tué le général Soleimani, il y avait un pic de tension entre les Iraniens et les Américains, et donc les systèmes de défense sol-air, pas seulement de l'armée iranienne, mais notamment des gardiens de la Révolution, qui sont un peu le fer de lance du régime, étaient en alerte maximale. Et donc, il y a eu toute une série d'erreurs dans l'analyse du vecteur qui avait pénétré dans l'espace aérien qui était protégé. Donc, ce sont des erreurs à partir des radars qui ont bien détecté une, entre guillemets, intrusion, mais qui n'ont pas été capables de faire le distinguo entre un avion de combat et un avion de ligne, et la fébrilité, la peur d'être frappé par les Américains, a fait qu'il y a eu une décision de tir intempestif qui a abattu cet avion de ligne. Donc ce sont des enchaînements de circonstances tragiques sur fond de tension maximale. Mais alors, entre le moment où l'avion est repéré et ce moment où on décide de tirer, est-ce qu'il n'y a pas des contrôles ? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de distinguer un appareil civil d'un appareil militaire, Pierre Servant ? Alors sur les radars, c'est assez difficile. Et en fait, tout ça se passe très très rapidement. Et donc la crainte de ceux qui se trouvent au sol et qui pensent que c'est une intrusion belliqueuse, il y a vraiment un choix cornélien. Est-ce qu'on réagit tout de suite ? Est-ce qu'on tire parce qu'on est convaincu psychologiquement que c'est une menace ? Ou est-ce que ce qui se fait pour affiner, l'image du radar pour savoir quel est cet avion ? Dans ce cas-là, on fait décoller des avions de combat qui vont prendre leur envol et qui vont se rapprocher du vecteur aérien suspect, qui vont l'identifier et qui là vont être parfaitement capables très rapidement de faire le distinguo entre un avion de combat ou un avion de ligne. Ça n'a pas du tout la même allure ni le même gabarit. Mais voyez-vous, le choix humain du commandant en chef qui s'est trouvé sur zone se situe entre ces deux pôles. Et c'est là où le contexte psychologique, la tension, la peur de se tromper, la peur d'avoir une frappe américaine et d'être rendu responsable, plus le fait d'être dans un régime dictatorial, le régime iranien, et notamment c'est un régime de dictature, donc vous avez très souvent dans ce type de régime la peur, le mensonge, le fait de camoufler les erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que le régime a mis du temps à reconnaître ce qui avait été fait. Et donc tout ça fait qu'entre le fait de lancer une reconnaissance aérienne et la peur de ne pas avoir réagi suffisamment vite, d'avoir été finalement frappé, donc d'être mis en cause après par le régime pour incapacité militaire, le chef qui a pris la décision est allé au plus simple, au plus rapide, un objet qui semble non identifié, dans un espace aérien sécurisé, alors que l'avion de ligne suivait un vol aérien tout à fait classique, la décision a été prise et l'avion a été abattu. Mais encore une fois, c'est arrivé en Ukraine, c'est arrivé à une autre époque tout à fait contemporaine où c'est un avion, c'est un bâtiment de guerre américain qui a abattu un avion de ligne iranien. Là aussi, c'est pareil, c'est le phénomène psychologique, même sur des militaires qui peuvent être aguerris, avec des outils qui sont relativement solides, l'erreur humaine fait partie malheureusement de ce type de conflit ou de tension. Mais alors, là, pour ce vol d'Iran Air qui avait été abattu par des Américains en 1988, Pierre Servent, et l'aviation américaine, ou en tout cas l'armée américaine, avait expliqué que le signal radar de l'Airbus avait été confondu avec celui d'un avion de combat iranien F-14. Est-ce que ce type de confusion est possible? S'agissait-il d'une excuse invoquée? Est-ce qu'il fallait bien trouver un moyen d'expliquer cette tragédie? Oui, c'est pareil, je pense. Alors, j'ai pas eu le rapport d'enquête dans les mains, donc je peux pas être très fin dans l'analyse, mais ça sent plutôt l'explication a posteriori. Et là, encore une fois, on était dans un climat de tension, et le commandant du bâtiment de guerre américain, il a estimé qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, et donc il a réagi dans l'immédiateté, et il a abattu un avion de ligne. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'a pas été sanctionné par la justice américaine derrière. Il y a eu une enquête militaire qui a été faite et qui a dû considérer que dans les circonstances, il pouvait y avoir confusion dans ce type d'identification. Mais encore, l'histoire de la Malaysian Airlines qui est plus proche de nous, 2014, où on a des radars, là c'était un système de radars et de missiles Buk russes confiés aux sécessionnistes et certainement servis par des militaires russes ou d'anciens militaires russes, donc des gens plutôt professionnels. Et oui, parce qu'on avait dit que c'était des sécessionnistes et que donc, cette tragédie, là, pour le coup, elle pouvait s'expliquer par l'amateurisme de ceux qui avaient provoqué ce drame. Alors, je ne le crois pas tellement parce que ce sont des matériels quand même relativement sophistiqués à mettre en œuvre. Vous pouvez pas donner un système de radar, de détection, et puis vous avez donc tout ça couplé à distance avec des batteries de missiles sol-air. Ce sont quand même des outils assez sophistiqués qui demandent une formation spécifique pour les militaires qui vont servir ce type d'armement. Donc je pense plutôt que, c'est pour ça que la Russie est extrêmement embarrassée, parce que je pense que ce sont plutôt des mercenaires russes, ou voire d'anciens militaires russes, ou des militaires russes en permission, justement pour le temps de leur implication militaire dans le Donbass, qui ont servi ce type de matériel. Je ne pense pas que ce soit des sécessionnistes ukrainiens de base qui ont pu se retrouver derrière ce type de matériel. Mais voyez qu'on retrouve cette même problématique, c'est-à-dire que dans les jours qui avaient précédé le vol de la Malaisienne, ces systèmes de défense sol-air avaient abattu plusieurs avions de combat de l'armée de l'air ukrainienne. Donc il y avait une tension, une forme de psychose du côté des sécessionnistes, et dès que le radar a identifié une trace radar, alors sur la trace radar, sur l'écran radar, c'est un trait de crayon lumineux, c'est assez difficile, encore une fois, de faire le distinguo entre un avion de ligne ou un avion de combat. Et c'est, encore une fois, c'est pour ça que, normalement, on fait partir des avions de reconnaissance pour identifier à vue quel est ce vecteur. Mais là, dans ce contexte-là, les tireurs ont considéré que c'était un renouvellement des vols précédents de l'armée ukrainienne. Ils ont pris la décision de tir et ils ont tué 200 civils. Donc, encore une fois, quels que soient les outils, en climat de tension, de peur, d'hyper-réactivité, ça peut partir très vite. Les Iraniens, au début, semblaient ne pas vouloir fournir les boîtes noires. Bon, on comprend pourquoi, a posteriori, évidemment, Pierre Servent. Est-ce qu'il aurait été possible pour eux de nier? Pourquoi, finalement, au bout d'un certain temps, ont-ils avoué avoir détruit cet avion? Alors, il y a deux choses. Il y a, je pense, un aspect purement technique, si je puis dire. C'est que il y a eu d'abord des images, un film pris à partir d'un smartphone où on voit clairement un missile partir dans le ciel iranien et créer une boule de feu. Donc ça, c'était quand même une preuve matérielle assez embarrassante et qui a circulé sur les réseaux sociaux assez vite. Par ailleurs, les services secrets occidentaux, par différents moyens, aussi bien techniques, satellitaires que humains, ont pu avoir assez rapidement la preuve que quelque chose de pas tout à fait normal s'était passé. Enfin, dernière chose pour la partie technique, ce type de missile, quand il explose, il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de missiles, donc certains, je pense que c'est celui qui a frappé l'avion dans le ciel iranien, sont des missiles qui ont une phase terminale thermique, c'est-à-dire que le missile, une fois qu'il est en approche de l'avion, va se guider vers la source de chaleur la plus forte, c'est-à-dire le réacteur, un des réacteurs. Et évidemment, en explosant, il y a des traces qui sont très très significatives sur la carlingue. On a vu des images où des tas de civils se baladaient sur le champ où se retrouvaient les débris. Parmi ces civils, si les services secrets font bien leur boulot, bah, vous devez avoir quand même des personnes qui rapportent aux services secrets occidentaux les choses, qui ont pu prendre des photos. Et dans ce cas-là, vous avez des traces vraiment très visibles sur la, sur la carlingue. Après, second facteur qui explique aussi pourquoi la chose s'est dénouée, c'est qu'il y a certainement une tension entre le président Rouhani, disons la face vertueuse du régime, parti élu, et les gardiens de la révolution, les Pasdaran, le guide suprême Ali Khamenei qui représente le véritable pouvoir. Et il y a certainement eu dans les coursives iraniennes combat entre ces deux factions, le président Rouhani sachant très clairement quelle était la réalité des choses, et donc au bout d'un moment mettant la pression en disant de toute façon toutes les preuves sortiront à un moment ou à un autre, donc il faut sortir du bois tout de suite. Donc je pense qu'il y a eu certainement de façon discrète combat entre ces deux factions. Et puis finalement, donc, ils ont préféré couper court tout de suite et sortir la vérité. Et puis alors, l'autre thème qui a été évoqué, est-il possible pour un avion de ligne d'éviter un missile? On a eu pareil cas, semble-t-il en tout cas, au Kenya. C'était un avion charter de la compagnie israélienne Arkia qui a échappé à un tir de deux missiles peu après avoir décollé de l'aéroport. Et là, on a expliqué que les avions israéliens étaient peut-être équipés d'un système qui leur permettait d'échapper aux missiles. Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, j'ai connu ça il y a longtemps en Bosnie-Herzégovine, où quand on allait sur Sarajevo et qu'on en décollait notamment dans des avions militaires, des Transal, au décollage, le Transal, donc est un gros avion, un gros avion porteur, au décollage, lâchait des leurres autour de l'avion. Donc le cas dont vous me parlez. Ça se passe comment, lâcher un leurre? Alors, c'est-à-dire que donc l'avion décolle, et à basse altitude, au moment du décollage, il est très vulnérable à des tirs de missiles sol-air de courte portée qui peuvent être tirés par un ou deux hommes. Ce sont des matériels assez légers. Et là aussi, ce missile est attiré par les sources de chaleur et donc il peut détruire l'avion au décollage. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au Rwanda quand le président Habyarimana a été tué dans son avion en atterrissant sur Kigali. C'est un type de missile comme ça qui est utilisé. Alors les leurres, c'est quoi? Ben, imaginez autour de l'avion comme une sorte de feu d'artifice. Hein, vous avez plein de pétards qui pètent autour de l'avion dans tous les sens. Hein. Alors, il n'y a qu'une seule couleur, mais ça, c'est des gerbes blanches qui partent partout. Pourquoi? Parce que le missile qui va être tiré, il va rentrer dans cette espèce de nébuleuse de points de chaleur et il va perdre la tête. Donc, il ne va pas savoir où frapper et il va être détourné en quelque sorte du point central qui est celui de l'avion. Donc vous avez beaucoup d'avions qui ont comme ça des systèmes de leurre. Les avions de combat eux-mêmes ont également des systèmes de leurre pour détourner les missiles RR tirés par d'autres avions de combat et qui vont être leurrés. Ces missiles vont être trompés par une multitude de points de chaleur diffusés à distance. Donc ça, c'est jouable à basse altitude sur certains types de missiles qui ne sont pas intelligents. C'est-à-dire que le tireur va viser l'avion au décollage, et puis la tête qui est attirée par la source de chaleur va vers le point le plus chaud. Donc les systèmes de leurre fonctionnent. Quand vous êtes à moyenne ou haute altitude, ça ne fonctionne absolument pas, et les avions de ligne ne sont pas du tout équipés de ce type de système de leurre. Ils ont des systèmes de détection d'intrusion, ou surtout de rapprochement d'autres avions qui risqueraient de leur rentrer dedans, Donc ils ont ces capacités-là. Bon, je pense que ça doit permettre de détecter l'arrivée d'un missile. Mais là, on est sur des matériaux beaucoup plus lourds que le simple missile sol-air de base tiré par un homme. Là, on est sur des systèmes, d'abord, le missile part sur des altitudes beaucoup plus importantes. Et puis, une fois que c'est l'avion de ligne qui est visé, l'avion de ligne n'a strictement aucun moyen d'échapper au tir. Il n'a pas du tout de leurre. C'est pas un avion de combat. Il n'est pas destiné, normalement, à évoluer en zone de guerre. Et vous savez que les compagnies aériennes, dès qu'il y a une suspicion de tension militaire dans une zone, ils arrêtent les vols, ils mettent leurs avions au sol et ça décolle pas. Donc les avions de ligne sont pas du tout équipés pour détourner un missile sol-air de puissant, intelligent, qui se dirige vers lui. Dans le cas ukrainien dont j'ai parlé, sur la Malaisiane, c'est un autre type de missile qui a frappé, c'est un missile russe, qui a la particularité de longer l'avion de ligne, de se positionner devant le cockpit et d'exploser à ce moment-là devant le cockpit, ce qui évidemment crible d'impact le cockpit, tue l'équipage, et à ce moment-là l'avion est totalement désemparé et descend s'écraser au sol. Alors vous avez évoqué la dernière question que je voulais vous poser, Pierre Servent, est-ce qu'il faut avoir peur de prendre l'avion dans certains lieux, certaines zones de guerre? Est-ce que c'est bien raisonnable, je ne sais pas moi, de survoler la Syrie, de survoler donc l'Iran maintenant, d'autres pays? Bah, c'est une vraie question, je me la pose aussi si j'ai voyagé. Bon, ça n'est pas très rassurant. Pardon ? Ça n'est pas très rassurant que vous vous la posiez. Ça reste heureusement extrêmement rare. Hein, oui. Quand on compare on fait souvent cette comparaison par aux accidents de scooter, accidents de voiture, ou si vous regardez les morts par alcoolisme en Russie, on est sur des échelles qui ont rien à voir. Donc ça reste tendu, et normalement les compagnies aériennes doivent veiller à prendre des chemins de détour. Là, je veux pas du tout incriminer les autorités ukrainiennes ou la Malaysian Airlines, mais c'est vrai que passer dans cet espace aérien, alors que dans les jours précédents il y a eu des avions de combat qui ont été abattus, pas très raisonnable. Sur l'Iran, pareil, dès lors qu'il y a une tension très très forte et une suspicion de frappe côté américain ou côté iranien, je pense qu'il vaut mieux temporiser ou déporter les départs sur d'autres villes qui sont sur des axes plus sécurisés. Voilà, mais ce que je vous dis là, ce sont des banalités complètes. Il ne faut pas psychoter parce que ce ne sont pas des choses qui arrivent tous les quatre matins. Merci beaucoup Pierre Servent. Vous êtes également l'auteur d'une biographie de Rudolf Hess publiée chez Perrin. Vos critiques, remarques, suggestions pour un futur Superfell sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com, guillaume.erner@radiofrance.com. Ce Superfell a été brouillé par Jean-Guilain Meige à la technique, saboté à la programmation par Sylvia Favre et gâché à la réalisation par David Jakubowiaz.